La science CQFD, Natacha Triou. Lorsqu'au début des années 2000, nous avons eu accès au premier séquençage du génome humain, on s'est aperçu qu'une majeure partie de notre ADN n'était pas codant. On l'a alors qualifié d'ADN poubelle. Est-il vraiment si inutile que ça ? Seuls 2 à 3% du matériel génétique est codant, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour synthétiser des protéines. C'est une toute petite proportion du génome humain. L'autre fraction, 98% donc, est aussi prénommée la matière noire du génome. Injustement appelée poubelle, on a longtemps cru que cet ADN non codant était inutile. On sait aujourd'hui qu'il ne sert pas à rien et qu'il est indispensable à la vie cellulaire, mais il reste un terrain inconnu à explorer. ADN poubelle, tout n'est pas à jeter. Stanislas Lyonnais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Imagine, professeur de génétique à l'Université Paris-Cité et généticien à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Antonin Morillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'un département de recherche à l'Institut Curie à Paris. Merci d'être avec nous en direct à France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche en ressources complémentaires. C'est tout de suite @sciencecqfd et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment étudier cet ADN poubelle, de ce qui le distingue de l'ADN codant, de ses fonctionnalités, de ses applications pour la recherche médicale. Au début des années 2000, le séquençage du génome humain a permis d'identifier quelques 22 000 gènes dans le cadre du Human Genome Project. Le généticien Axel Kahn réagissait à cette découverte sur notre antenne. Eh bien, le génome, les gènes, c'est ce qui gouverne les propriétés des cellules, qu'elles soient normales ou pathologiques, et par conséquent, qui explique les mécanismes de certaines maladies ou bien la susceptibilité qu'ont des personnes particulières à certaines maladies. On espère par conséquent que la connaissance de ce génome permettra de mieux comprendre les mécanismes des maladies et très probablement de développer de nouveaux médicaments, notamment pour toutes celles des maladies qu'aujourd'hui on n'arrive pas bien ou pas suffisamment à soigner. Par exemple, le marché est considérable. Le marché de la pharmacie dans le monde est de l'ordre de 5 à 700 milliards de dollars et on pense que beaucoup des médicaments demain seront dérivés de la connaissance que l'on tirera de ce génome. Et quelles sont les maladies qui seraient concernées par ces découvertes ? Oh, je crois qu'elles sont extrêmement nombreuses. Il y a certains mécanismes naturellement des cancers, il y a des mécanismes de la susceptibilité variable suivant les individus à des maladies infectieuses, à des maladies virales, mais on pense également beaucoup aux maladies dites neurodégénératives, celles qui sont liées à l'affaiblissement des potentialités cognitives avec le vieillissement, par exemple la fameuse maladie d'Alzheimer, ou alors c'est un autre problème, il n'y a pas d'affaiblissement cognitif, la maladie de Parkinson, le diabète également. Vous voyez que le champ pathologique est immense en réalité. Voilà, Axel Kahn, sur notre antenne le 15 mars 2000. Stanislas Lyonnais, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? D'abord, je suis très ému, parce que j'ai fait mes premiers pas en sciences à l'Institut Cochin qu'il dirigeait en jeune master, et je entendre sa voix avec ce côté pétillant, frais, quelques années après sa disparition, c'est très touchant. C'est aussi toujours touchant d'entendre l'enthousiasme. L'enthousiasme est intact. Il parle de médecine, il parle de marché. C'était bien Axel d'arriver à faire coexister dans les mêmes pensées ces idées-là. Il y a une dimension qui est peut-être qui n'est pas évidente en l'entendant là, c'est le temps. Le temps qu'il a fallu pour en arriver aujourd'hui à se dire ces espoirs thérapeutiques, ces espoirs de compréhension en génétique médicale, nous y touchons, nous touchons maintenant du doigt, mais le doigt s'est étendu depuis 2000-2003 jusqu'à 2023. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de nos élèves, nos étudiants, nos concitoyens et nos patients aussi, de comprendre que ce qu'on a applaudi à grands cris, peut-être de manière un petit peu trop fin, « Ah, le génome est sorti, c'est fait, c'est gagné, c'est réglé, l'affaire est réglée », n'est pas encore réglé du tout. Antonin Morillon, vous aussi, une réaction à cette archive sur le Human Genome Project et ses premiers résultats ? Ouais, moi aussi, je partage l'émotion par rapport à cette interview de Axel Kahn. Et effectivement, j'ai la même constatation. On est en 2023, plus de 20 ans après. Et effectivement, après le « c'est fait », Il y a encore tout ça à regarder, tout ça à comprendre. Et en fait, je voudrais aussi mettre l'échelle de temps sur le temps qu'il a fallu pour arriver à ce génome humain. 10 ans, 90, 91 jusqu'en 2001, pour séquencer un génome. Aujourd'hui, on séquence un génome humain en 2 jours. Donc déjà, on a réussi un saut technologique qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans l'acquisition des données et qui permet effectivement aujourd'hui d'aller explorer le génome non codant. Et ce que vous disiez, ce que vous sous-entendez, Stanislas Lyonnais, c'est que on a réussi à séquencer le génome humain au début des années 2000, on pensait que ça expliquait tout. Puis avoir le séquençage, c'est finalement une première étape, mais cela ne fait pas tout. Non, je me souviens de schémas, de diagrammes par des grands savants qui ont participé extrêmement activement à cette opération. Antonin avait raison, il faut rappeler l'échelle de temps et l'échelle de valeur. Hein, c'était quand même 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, le génome de 2 jours, c'est à peu près 400-450 euros. On est bien loin de la courbe des transistors qui fait augmenter la puissance d'un système de manière exponentielle. C'est infiniment plus puissant et plus rapide que cela. C'est aussi, c'est plus le génome humain, c'est les génomes humains. La dimension de la variabilité avait été aussi très sous-estimée. Je me souviens encore d'une première de couverture de Science en 2010. En Europe. La grande découverte, c'est la variabilité du génome humain, donc 10 ans après. Et tout ça faisait dessiner à Eric Green, à Eric Lander, des petits buildings, je me souviens, j'ai encore la diapositive, on voyait génome humain, puis c'était la fondation, puis il y avait le premier étage, c'est la biologie, le deuxième étage, c'était la médecine, le troisième étage, c'était la société, et puis arrivait l'industrie. Le building, il est à peine au premier étage. C'est-à-dire que des scientifiques qui s'évertuent encore, et Antonin le dira mieux que moi, à essayer de comprendre la signification d'une variation génomique et de la rapprocher parfois péniblement à un caractère génétique, ce qu'évoquait Axel, c'est-à-dire en quoi un génotype va permettre d'expliquer et peut-être prédire, le mot avec beaucoup de guillemets, un phénotype, c'est-à-dire l'expression visible d'un gène. Alors c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la proportion d'ADN non codant était aussi importante. Ce chiffre, 98%, ça a été une sidération. Antonin Morillon, qu'est-ce que ça veut dire du matériel codant, ADN codant, non codant? Quelle différence? Alors, au niveau de l'histoire de la science, il faut savoir que tous les gènes codent pour une protéine, c'est un peu la définition du gène à l'origine. Et en fait, on s'est rendu compte que si on pouvait décrire 20 000 gènes codants pour des protéines dans le génome humain, ils représentaient uniquement une surface de 2% de l'ensemble du génome. Et le reste du génome est donc non codant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gènes non codants dans cette partie du génome non codant. Et ils peuvent représenter aujourd'hui jusqu'à 100 000 gènes non codants. Donc la proportion des gènes codants versus gènes non codants aujourd'hui est en faveur du génome non codant. Stanislas Lyonnais. C'est intéressant parce que c'est un concept de biologie qui est défini par l'absence de connaissances. Non codant, c'est ce qui est pas codant. Antonin le dit très bien. Et donc il y avait déjà une espèce de paradoxe. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Mais tout le reste, c'est quoi? Et alors les outils d'exploration, on va y venir, j'y pense tout à l'heure, mais les outils d'exploration qui permettent de donner à ce génome décrit par contraste, décrit par revers de la médaille, c'est les éléments qui témoignent de l'expression de quelque chose qui se produit à partir de ce génome. La première chose, c'est ce qu'a dit Antonin, c'est les ARN, de dire il y a des éléments du génome qui ne sont pas codants, qui ne contribuent pas à fabriquer une protéine, mais qui sont quand même exprimés sous la forme d'un ARN, il n'est pas alors messager, terme restreint à ceux qui codent pour une protéine, mais c'est un ARN non codant. Et une très grande partie du génome, et là tu diras le pourcentage mieux que moi, mais une grande partie du génome est l'objet d'une transcription, c'est-à-dire de son recopiage en ARN. Et là, on ne peut pas ne pas dire, ça doit vouloir dire quelque chose quand même, puisque c'est recopié. Quelle est la signification de ce message non codant? Et là, on ouvre une boîte extraordinaire en biologie, les ARN non codants, les petits ARN, les micro-ARN, prix Nobel, les ARN longs qui régulent les gènes. Première marque d'expression. Une autre marque d'expression, là aussi Antonin sera plus performant que moi, c'est tout ce qui fait qu'un élément génétique a les caractéristiques d'un régulateur. Il n'est pas recopié, il n'est pas un ARN. il n'est pas un gène par conséquent, mais il joue un rôle quand même sur l'expression d'autres gènes. À distance de ces gènes, il donne un signal. Puis le troisième élément dont on parlera, qui est une, là cette fois-ci une mise en relation avec l'univers vivant, c'est de dire, mais il n'y a pas que le génome humain dans la vie, il y a les autres génomes. Et je pense qu'on parlera de l'utilisation des autres génomes pour essayer de décrypter le génome humain. Alors là, vous venez d'évoquer une phase importante, c'est celle de la transcription. C'est un point important pour bien comprendre le principe d'ADN codant et non codant. L'ADN, c'est, on peut le voir conceptuellement comme un langage à quatre lettres, A, T, C, G. Il contient l'information. Comment passer cette information? Il va falloir retranscrire cette information pour la transporter du noyau jusqu'au cytoplasme. Et donc, cette synthèse des protéines, c'est un processus complexe. Antonin Morillon, il y a d'abord donc cette phase de transcription. Comment elle se passe? La phase de transcription, c'est un moment très compliqué de la vie de la cellule. On a donc l'équivalent d'un disque dur sur lequel est écrit toute l'information génétique que l'on porte dans nos chromosomes. Et ce disque doit être lu pour pouvoir justement être transféré, l'information transférée en réalité. Donc si, par exemple, on prend l'image de la maison, de l'architecte et des plans, le matériel génétique, ce sont les plans. L'architecte, c'est l'ARN qui va transférer ces plans pour faire les briques de la maison et c'est les cellules, par exemple. La transcription, c'est le premier moment où on lit l'information génétique sur le chromosome, sur l'ADN. Donc là, il y a une machinerie qui vient s'installer, qui se pose sur l'ADN, l'ouvre et est capable de synthétiser une autre molécule, un duplicata éphémère qui n'est que la retranscription du gène en question. Et ce duplicata-là va être transporté pour être traduit dans le cytoplasme, en protéines, de manière éphémère. La demi-vie, la vie d'un ARN messager, c'est de l'ordre de quelques minutes à quelques heures. Oui, c'est pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter donc en 1953, c'est la naissance de la biologie moléculaire. James Watson et Francis Crick publient leur article dans la revue Nature. Ils décrivent donc la structure tridimensionnelle en double hélice de l'ADN. Et dans un premier temps, donc, les biologistes élucident les mécanismes par lesquels l'information de l'ADN est décodée pour en faire des protéines, donc instantanées. Puis il y a dans cette histoire une autre découverte importante, c'est celle de l'épissage. Alors c'est toute l'économie du génome où on a l'impression que ces 2% qui codent pour des protéines, en fait c'est un peu le généticien qui regarde là où il y a de la lumière parce qu'on sait le code, on a la pierre de Rosette pour ça. Donc dès qu'il y a un endroit dont l'enchaînement 3 à 3 des nucléotides peut donner une lecture en acides aminés, c'est-à-dire les composantes des protéines, on dit là ça code et là on se passionne pour cet endroit. Et en attaquant ces endroits, on va donc attaquer les ARN messagers et on s'est aperçu, autre prix Nobel, que le recopiage d'un grand segment d'ADN en ARN, comme le décrivait Antonin, va embarquer des chapitres codants et puis entre les chapitres codants, des régions qui ne le sont pas. On les appelle des régions intermédiaires, on les appelle donc des introns. C'est des endroits qui sont non codants, mais à l'intérieur d'un gène. C'est une partie importante de notre génome, je crois 15-20%, c'est de cet ordre-là, qui constitue donc, qui participe aux gènes codants pour les protéines, mais qui sont à l'intérieur et qui sont exclus du messager pour justement que le messager devienne le vrai messager, c'est-à-dire qu'on enlève ces introns. Ce système d'excision-épissage, je coupe et je colle, est un bricolage génétique absolument hallucinant qui recèle déjà un des éléments importants de la variabilité. Parce qu'on parle de 20 000 gènes codant pour des protéines, mais c'est 20 000 gènes dont chacun d'entre eux a en moyenne 4 à 5 produits possibles, notamment grâce à ce système d'épissage alternatif. Je garde un petit bout, j'enlève un exon, un des chapitres, ou je le laisse, et mon gène fabriquant une protéine, en fait, peut en fabriquer 3, 4, 5, suivant le tissu, suivant le moment de la vie, suivant le moment du développement, voire le moment de la journée. Donc cet épissage alternatif recèle une des possibilités très importantes de variabilité, de production de notre génome à partir du codant. Antonin Morillon. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais faire une toute petite correction sur, Natacha, ce que vous avez dit sur le prix Nobel Crick et Watson en 1953. En fait, aujourd'hui, ils sont trois à avoir fait cette découverte. Et le troisième, c'est une femme. Elle a été totalement oubliée. Malheureusement, elle est morte très vite après la découverte. Rosalind Franklin, qui était ce troisième partenaire et qui, apparemment, aurait fait la découverte avant nos deux prix Nobel. Merci en tout cas pour cette correction. En tout cas, c'est très difficile de donner un chiffre précis sur l'ADN humain est composé hein, de 20 000 gènes environ. On n'a pas de catalogue précis non plus de ces gènes non codants, Antonin Morillon. Non, il n'y a pas de... En fait, si, il y a des catalogues qui sont en train d'être construits. Le séquençage du génome dans sa totalité, le reséquençage, le séquençage des différents individus, la variabilité dans les tumeurs, dans les tissus, fait qu'aujourd'hui, on séquence tous les génomes que l'on peut humains. Et justement, on essaye de dresser des portraits de l'expression de ce génome non codant, du génome codant évidemment avec toutes les isoformes et le lépissage alternatif. Donc les catalogues aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, il y a les catalogues officiels, on a à peu près entre 20 et 30 000 gènes non codants qui sont transcrits en ARN, mais si on part dans des catalogues spécifiques de la tumeur par exemple, on peut atteindre jusqu'à 100 000, 110 000 gènes transcrits non codants. Stanislas Lyonnais. Ça veut dire que quand dans les années 40, on demandait à des biologistes très avertis combien d'éléments génétiques il faudrait pour faire la biologie si complexe d'un homme, les gens répondaient en 150, 200 000. Et donc l'estimation du nombre de gènes, c'était ça. C'était de dire, notre génome, si tant est, on ne savait pas que c'était l'ADN encore, hein, mais si tant est qu'il était fonctionnellement représenté, c'est-à-dire qu'une fonction encode un élément génétique encode une fonction, il en fallait entre 100 et 200 000. Et la surprise du séquençage du codant, c'était il n'y avait que 20 000, de l'ordre de 20 000, 22 000. Où sont les autres? Antonin vient de le dire, c'est des gènes non codants, c'est aussi la propriété d'un gène codant d'avoir plusieurs produits. Et déjà, on voit qu'on est beaucoup plus proche des estimations de fonctions nécessaires à accomplir une biologie aussi complexe que celle de l'homme. Ça nous renvoie à un message différent et qu'on discutera peut-être tout à l'heure. Mais alors, d'accord, mais le non codant, à quoi sert-il? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Et pourquoi le génome humain s'est-il embarrassé au cours de l'évolution d'une masse écrasante de segments non codants dont certains sont éclairés aujourd'hui et d'autres pas? Alors, des informations plus récentes mettent en lumière les nombreuses fonctions de cette masse d'ADN dite non codante. À quoi sert cet ADN poubelle et pourquoi joue-t-il un rôle essentiel? Restez à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Trio. h 18 sur France Culture avec Stanislas Lyonnais, Antonin Morillon. Nous parlons de l'ADN non codant, qualifié au départ d'ADN poubelle. On l'a longtemps jugé inutile. Aujourd'hui, nous sommes loin de cette vision. Alors quand on regarde l'ADN codant, l'ARN produit de l'ARN messager qui code pour les protéines, mais Antonin Morillon, l'ADN non codant produit aussi de l'ARN. Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a la transcription sur ce génome. Tout le génome est pratiquement intégralement transcrit en ARN. Et ces ARN vont, certains d'entre eux vont être totalement éphémères, d'autres vont avoir un rôle. La plupart, il faut être assez clair, vont représenter des éléments mobiles de l'ARN de transposon. On va aussi avoir de l'ARN ribosomique, de l'ARN de transfert, qui sont aussi des ARN non codants, mais qui sont des ARN non codants qui ont un rôle justement dans la traduction. En termes de masse, c'est les plus importants. En quantité, en nombre, l'ARN ribosomique, c'est 90 voire 95% de l'ARN total, de la masse ARN que l'on a dans une cellule. Mais si on regarde la diversité des gènes, on a effectivement plusieurs dizaines de milliers d'ARN non codants, de gènes non codants qui sont transcrits en ARN, dont les fonctions restent aujourd'hui largement à découvrir. Oui, c'est ça, c'est que ce ne sont pas des ARN qui produisent des protéines, ce ne sont pas des ARN messagers, mais ce sont des ARN quand même, Stanislas Lyonnais. Oui, par définition de leur structure biologique, on a voulu les classer intelligemment par leur taille, parce que ne connaissant pas les fonctions, c'est assez logique de commencer par leur taille, leur ressemblance dans des familles, les regrouper en familles, et on parle ainsi de micro-ARN pour ceux qui mesurent quelques dizaines ou centaines de nucléotides d'ARN. Et puis il y a des ARN non codants de très très longue taille, et qui peuvent embrasser, recopier un segment d'ADN de plusieurs milliers de nucléotides, voire beaucoup plus. Là, pour des raisons techniques qui ont été évoquées tout à l'heure, la fragilité du matériel ARN est quelque chose qui rend les expériences difficiles et qui rend l'interprétation délicate. Et puis, il faut aussi se donner alors une autre dimension de l'étude, c'est que le génome est univoque, mais l'expression du génome est très variée suivant les tissus. Et qu'on doit alors tracer une autre élément de la matrice, c'est dans quel tissu va-t-on regarder l'expression des ARN de petits, de grande taille, non codants. Et là, on doit se livrer à des expériences qui traversent une autre dimension qui est celle de la variabilité des cellules humaines, 140, 180, type cellulaire, et que logiquement, un catalogue, le catalogue que vous évoquez, le répertoire que vous évoquez, doit avoir la dimension du type cellulaire et la dimension du moment et du temps de la vie d'un organisme ou d'une cellule. Donc voilà les trois dimensions, la taille, la nature, la structure de cet ARN, là où il est exprimé dans les types cellulaires et à quel moment. Vous voyez que la complexité est infiniment plus grande que quand on dit le génome ADN, hein, si je puis dire avec ses gros sabots, parce qu'il est le même partout. Alors, il est le même partout, il n'est pas le même partout, notamment dans des maladies, on y viendra, mais en tout cas, il est globalement le même. Alors un projet dont il faut parler, hein, qui est important pour la compréhension du génome humain, c'est le projet ENCODE, qui a révolutionné, hein, la compréhension du génome et de l'ADN non codant. En septembre 2012, 442 scientifiques de 32 laboratoires internationaux ont publié leurs résultats dans Nature et Science. Les chercheurs ont voulu caractériser de façon systématique l'activité biochimique du génome humain. Antonin Morillon, que montrent ces analyses issues de quelques 1640 génomes? Ah, ça a été une bombe, hein, pour nous. C'était la première fois qu'il y avait cette variabilité cellulaire qui était explorée avec une telle profondeur. On regardait non seulement le génome, mais aussi les ARN qui étaient produits de ces génomes, et on regardait aussi l'état du génome, ce qu'on appelle l'épigénome, qui permettait de dresser un portrait de l'expression des gènes de chacune de ces lignées cellulaires. À l'époque, il y en avait 14 qui ont été faites de manière aussi précise. Et le résultat majeur qui a été, il y a eu plein de résultats qui ont été tirés de ces analyses, mais quelque chose qui est ressorti de manière assez claire, c'est que on avait un niveau d'expression des ARN messagers pour la majorité des gènes qui était à peu près équivalente dans chacune de ces lignées cellulaires humaines. Par contre, on avait un niveau d'expression des ARN non codants qui était spécifique de chacune de ces lignées cellulaires. Donc, par exemple, sur 20 000 gènes codants exprimés, on en avait à peu près 10 000 qui étaient transcrits en ARN de manière équivalente dans chacune des lignées cellulaires, alors que sur les 20 000 gènes non codants, on pouvait en retrouver 3 000 spécifiques de la lignée cellulaire numéro 1, 3 000, etc., etc. Donc, on avait une signature de l'identité cellulaire qui était beaucoup plus représentée par les ARN non codants que par les ARN codants. Stanislas Sionnet. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que d'abord il faut rejeter le mot poubelle puisqu'on voit bien que c'est pas du tout c'était très inapproprié et peut-être même un peu désobligeant. Et deuxièmement, si on met ça dans une dimension qui compare les génomes à d'autres espèces, une des surprises de la séquence du génome humain, c'était que le nombre de gènes codants pour des protéines, je reviens à nos 20 000, qui fabriquent les protéines, l'hémoglobine, les enzymes du métabolisme, etc., l'équipement cellulaire et ce qui forme les cellules, n'est pas fondamentalement extraordinairement différent entre des mammifères très éloignés, l'ancêtre commun qui a produit d'un côté la souris et de l'autre côté les primates. On retrouve à peu près ce nombre. Et donc, il fallait un peu, c'est une petite leçon d'humilité pour l'homme, et même des végétaux qui ont des nombres, des milliers de gènes, voire la levure, un organisme unicellulaire eucaryote, un noyau, et qui a 3 ou 4 000 gènes codant pour des protéines, et c'est une cellule. Donc cette leçon-là a conduit à mettre en perspective le reste que vient de décrire Antonin, mais c'est probablement que la complexité de la biologie humaine, pour essayer de se redresser un petit peu dans notre ego, était logé ailleurs, et notamment dans cette différence qu'établissent les patrons d'expression des ARN non codants au travers des lignées cellulaires variées. Antonin Morillon, le message final d'ENCODE, de ce projet, ce serait que l'ADN non codant aurait une utilité supplémentaire à l'ADN codant? Ben, en tous les cas, serait très complémentaire et pourrait apporter des informations précieuses justement sur l'identité et la trajectoire de chacune des cellules dans sa propre vie. Et donc cette information-là, et je veux rebondir sur ce que disait Stanislas il y a deux minutes, mais par exemple, très récemment, il a été montré que la façon de différencier les grands primates de l'humain, des humanoïdes comme l'homme ou voire Néandertal, on pouvait le faire en définissant des régions qui avaient une accélération particulière dans le développement du génome humain par des mutations. Et ces mutations-là, on en a caractérisé 1500 à peu près, elles sont toutes dans le génome non codant, dans des régions extrêmement importantes, qui sont des régions qui régulent les gènes qui sont liés au développement du cerveau ou au développement des intestins. Ces régions qu'on appelle des régions enhancer, qui sont aussi transcrites en ARN, semblent être vraiment spécifiques, par exemple ici, de nos origines par rapport aux primates. Sachant que le génome dans sa totalité, entre un chimpanzé et un homme, c'est 99% d'identité. On a très peu de différences. Et la différence, elle se fait sur la partie non codante, en particulier ces régions. Alors, pour parler toujours aussi de la fonctionnalité de cet ADN non codant, on peut aussi voir, Antonin Morillo, que des fois, les ARN non codants peuvent aussi permettre l'expression ou l'activation, je pense notamment l'inactivation du chromosome X, en l'occurrence. C'est la superstar, effectivement, du génome non codant. L'inactivation du chromosome X chez la femelle met en place toute une série de régulations qu'on va appeler des régulations épigénétiques, pour éteindre l'un des deux chromosomes X. Et parmi les éléments clés de cette inactivation, il y a un ARN non codant qu'on appelle XIST et qui est vraiment la clé pour l'inactivation de l'intégralité d'un des deux chromosomes. Et en particulier, cet ARN non codant est capable de s'enrober autour de l'ADN d'un des deux chromosomes X pour l'éteindre. Donc là, vraiment, on a toute une biologie autour de ça qui est assez extraordinaire. Oui, on voit bien que c'est pas parce que c'est non codant que cela ne sert à rien. Cette inactivation du chromosome X est un bon exemple. Pour prolonger Stanislas Lyonnais, on a évoqué tout à l'heure les introns. On pourrait penser que les introns sont éliminés lors de la transcription, donc on pourrait se dire qu'ils ne servent à rien, mais c'est pas le cas. Non. D'abord, ce sont des éléments génétiques qui sont de taille très variable. On connaît des introns de quelques nucléotides et d'autres de centaines ou de milliers de nucléotides qui font que les deux chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2, sont à des années-lumière. Ils contiennent eux-mêmes, un peu parfois comme des poupées russes, des gènes. Il y a des gènes dans les gènes. On connaît ce modèle. Et donc, par cette simple propriété, ils peuvent être intéressants. Et puis, il y a toute une régulation de la transcription qui fait qu'elle peut se jouer à l'initiation de la transcription, au début du gène, quand au moteur génétique de transcription, la polymérase, vas-y, tu recopies avec quelle et quelle force, et à partir de quel moment et à quelle vitesse. Et puis, cette régulation peut aller aussi dans la régulation de l'épissage. Je l'évoquais tout à l'heure en pensant qu'un ARN messager va retenir un exon et l'autre pas, et fabriquant ainsi non pas une protéine, mais une famille de protéines qui peuvent se diversifier les unes les autres. On connaît des familles de protéines, de centaines de protéines, à partir d'un seul gène. Et donc cette mécanique d'excision-épissage est extrêmement subtile et extrêmement régulée. Antonin Morillon, sur ces introns, qui ne sont pas des morceaux sans utilité que l'épissage jette, ils protégeraient aussi de l'instabilité génétique? Alors oui, parce que la transcription en général est un élément à la fois déstabilisant pour le génome, puisque finalement le disque dur qui était zippé, on est obligé de l'ouvrir et on libère cette information. Donc la transcription en tant que telle va être un élément qui peut casser, qui peut abîmer, qui peut empêcher l'ADN de se répliquer justement pour être transmis d'une cellule à une autre. Donc il y a tout un tas de régulations qui sont mis en place pour éviter justement ces cassures. Il y a des systèmes de réparation, et lors de la transcription, effectivement, l'épissage est aussi un moment où la polymérase va ralentir. Justement pour permettre cette machinerie d'épissage de venir se fixer et exciser ces morceaux d'introns dans les gènes, enfin sur les ARN. Et donc, du coup, effectivement, participe aussi à la maintenance du génome. On peut voir hein, que on peut voir la grande majorité de l'ADN non codant comme une vaste table de contrôle avec des millions d'interrupteurs régulant l'activité de nos gènes. Sans ces interrupteurs, les gènes ne fonctionneraient pas et des mutations dans ces régions pourraient induire des maladies. Pourquoi mieux comprendre cet ADN non codant nous fournirait des pistes prometteuses pour la découverte de mécanismes clés dans les maladies? Restez à l'écoute. Garbage Man à 16h32 sur France Culture, car nous parlons de notre génome composé à 98% d'ADN dit poubelle. On en parle tout au long de cette heure avec nos deux invités du jour. Stanislas Lyonnais, directeur de l'Institut Imagine, professeur de génétique à l'Université Paris Cité et généticien à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris, et Antonin Mourillon, directeur de recherche au CNRS et directeur d'un département de recherche à l'Institut Curie à Paris. Nous venons de voir que l'ADN poubelle n'est pas à jeter. Nous venons de définir comment il est impliqué dans la vie cellulaire. En complément de l'ADN non codant, on s'intéresse également à l'ARN non codant, dont l'étude permet d'ouvrir une voie thérapeutique pour certaines pathologies infectieuses, cancéreuses ou bien des maladies inflammatoires ou rares. Le laboratoire de chimie et de biochimie pharmacologique et toxicologique de l'Université Paris Cité travaille activement dans cette voie. Et c'est le sujet du reportage du jour. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Natacha, oui, dans ce laboratoire, on développe des thérapies ciblant l'ARN non codant. La plupart des médicaments développés jusqu'ici ont été pensés dans le but d'interagir avec les protéines. Mais pour certaines pathologies, cette approche a des limites. L'idée alors ici est vraiment d'exploiter les propriétés de cet ARN en modifiant son activité in vivo, une stratégie qui implique une véritable expertise en chimie. Erika Benedetti, chercheuse au CNRS, analyse de cette manière comment l'ARN non codant peut se lier aux molécules thérapeutiques dans l'espoir de mettre au point de nouveaux médicaments. Dans notre unité de recherche, nous disposons de plusieurs laboratoires qui sont dotés de tous les équipements nécessaires pour pouvoir préparer des nouvelles molécules. On reste ici parce qu'il y a des champs magnétiques. D'accord. Alors dans cette pièce, c'est notre plateforme de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et on peut voir deux spectromètres. Et ces instruments nous permettent de confirmer la structure de nos molécules et de déterminer si on a bien synthétisé le composé qu'on souhaite. Alors les ARN non codants jouent un rôle crucial dans des nombreuses pathologies telles que par exemple les maladies neurodégénératives ou encore certains cancers. Et on connaît maintenant de mieux en mieux le rôle de ces ARN non codants dans ces pathologies, dans ces maladies. Mais la grande question est de savoir si, avec ces nouvelles connaissances qu'on a, on peut concevoir des nouveaux médicaments qui vont interagir avec les ARN non codants et modifier leur activité in vivo. À l'heure actuelle, très peu de composés sont connus comme étant capables d'interagir avec les ARN chez l'homme. La plupart des médicaments disponibles sur le marché a été développé dans le but d'interagir avec les protéines, sauf que les propriétés physico-chimiques des protéines et des ARN sont très différentes. Les caractéristiques des protéines et des ARN sont très différentes. Par exemple, les ARN, c'est des molécules chargées, alors que les protéines, c'est des molécules plutôt neutres. Ainsi, on peut imaginer, on peut très bien comprendre que les molécules qui vont interagir avec les protéines n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques des molécules qui peuvent interagir avec les ARN. On peut décrire les molécules, les petites molécules organiques, en utilisant différents paramètres. Par exemple, leur charge, le nombre d'atomes qui les constituent, le type d'atomes, combien d'oxygène, d'azote, ces molécules, leur forme, mais aussi la flexibilité des molécules. Et en fonction de la façon dont on va construire, c'est-à-dire la façon où on va agencer les atomes entre eux, on a une combinaison quasi infinie de possibilités de molécules qu'on peut synthétiser. Mais plutôt que toutes les décrire, ces molécules, ce qui est impossible, on va essayer de définir des espaces chimiques, c'est-à-dire des ensembles de molécules qui vont avoir certaines propriétés. Du coup, on sait maintenant, par exemple, que pour pouvoir accéder à des molécules qui agissent au niveau du cerveau, il faut faire des composés qui appartiennent à un certain espace chimique. Mais si maintenant on se pose la question comment peut-on cibler l'ARN, on n'a pas, actuellement, on a encore très peu de données pour pouvoir définir l'espace chimique des molécules pouvant interagir avec les ARN. Ainsi, il est nécessaire d'un point de vue chimique d'aller explorer davantage l'espace chimique afin d'espérer sur le long terme de développer des nouvelles approches thérapeutiques pour soigner les pathologies pour lesquelles le ciblage des protéines est aujourd'hui inefficace. L'approche que nous, on adopte au laboratoire, c'est de travailler sur la forme de ces molécules en introduisant des éléments. On se propose de l'utilisation de petites molécules organiques possédant des structures plutôt tridimensionnelles. En particulier, au laboratoire, nous sommes intéressés aux dodoparacyclophanes. Alors, les paracyclophanes sont des petites molécules organiques composées principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Et les atomes de carbone de ces composés forment des hexagones qui se trouvent dans des plans parallèles de l'espace. Et sont reliés entre eux par deux ponts éthylène en position para. Ainsi, ces composés possèdent une géométrie 3D très inusuelle. Une fois confirmé que nous avons bien la molécule d'intérêt, on passe à la troisième phase de nos recherches, qui consiste à évaluer l'interaction de nos petites molécules avec les ARN. Ces études sont réalisées à l'aide de techniques spectroscopiques telles que, par exemple, l'absorption UV visible ou l'émission de fluorescence. Ainsi, notre unité dispose d'une salle des mesures physiques dans laquelle on retrouve toute l'instrumentation nécessaire pour réaliser ces études. C'est l'espace mesure physique. Espace mesure physique. Du coup, on retrouve ça. Du coup, comment on réalise ces mesures? Des solutions diluées de nos molécules fluorescentes sont transférées dans des couvettes en quartz et ensuite les couvettes sont placées dans l'instrument et le spectromètre nous permet d'irradier, c'est-à-dire de stimuler par la lumière nos molécules en l'absence et en présence d'acide nucléique. Récemment, nous avons pu mettre en évidence que l'une des molécules tridimensionnelles qu'on a synthétisées fluoresce fortement lorsqu'elle interagit avec les ARN. Ainsi, en utilisant ces mesures de spectroscopie de fluorescence, nous avons pu mettre en évidence l'interaction préférentielle de nos composés avec certaines structures d'ARN qui sont généralement difficiles à cibler. Et il s'agit encore d'une étude, bien sûr, très préliminaire. Ainsi, nos recherches ouvrent des perspectives pour la conception sur le long terme de nouveaux médicaments et pourraient développer des nouvelles applications biomédicales. Thank you. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Stanislas Lyonnais, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? C'est absolument passionnant parce que autant une certaine pensée unique à un moment des traitements dérivés de la génétique, c'était la thérapie génique, c'est la modification du remplacement génétique d'abord, des grands succès historiques remarquables, français en particulier, et puis la modification du génome avec les bistouris ou ciseaux moléculaires, et là aussi encore un beau prix Nobel français, c'est pas contredit, mais c'est complémenté aujourd'hui par des stratégies alternatives. On les a vues triompher pour les vaccins Covid, SARS-CoV-2, en utilisant quoi ? L'ARN messager cette fois-ci, mais des ARN non codants, non messagers, pourraient être utilisés, c'est ce que dit cette chercheuse. Et même on pourrait, et c'est l'autre version de la pièce, utiliser les molécules qui vont intervenir sur les ARN. Donc il y a les deux versions de l'histoire, utiliser les ARN qui peuvent mimer, contredire ou par leur structure intervenir sur la biologie. Ça, c'est des thérapies par ARN non codant. Et puis, ce que disait cette chercheuse, c'est-à-dire des molécules variées, chimiques, qui, elles, vont avoir la propriété inverse d'intervenir sur la production, la structure, la survie ou l'action d'ARN non codant. Voilà un petit peu les deux cadres. Je crois qu'on n'est pas dans le fantasme, on est dans vraiment une nouvelle dimension de la biologie et de l'ingénierie des protéines et des ARN. Je ne saurais dire aujourd'hui quel traitement ou quel dérivé thérapeutique peut être envisagé, mais c'est un champ absolument magnifique et probablement qui nous enlève un petit peu du concept dogme unique. Pour traiter une maladie génétique, il faut remplacer le gène ou le modifier. Antonin Morillon, vous aussi une réaction à ce reportage? Ouais, moi je trouve ça génial parce que on voit là que la biologie moderne est interdisciplinaire, multidisciplinaire. On revient à la chimie, on revient à des notions de même de modeling mathématique, informatique pour tout ce qui est structure, imagerie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est un message important à passer, c'est-à-dire que la recherche aujourd'hui, qu'elle soit médicale ou fondamentale, a besoin de toutes les sciences. Et en biologie, ça se voit particulièrement aujourd'hui. Alors sur le petit reportage là en question, Stanislas l'a très bien dit aussi, une des caractéristiques de l'ARN non codant, c'est que justement, on a une séquence qui ne code pas pour des protéines. Et donc finalement, l'enjeu n'est pas la séquence en tant que telle. L'enjeu, c'est la façon dont cet ARN va se structurer, la façon dont il va prendre une forme dans la cellule. Et c'est ça qui va jouer le rôle, l'activité de cet ARN non codant. Et donc, par exemple, dans le design de ces petites molécules chimiques qui viennent perturber ces ARN non codants, en fait, on mise pas sur la complémentarité de séquence, on mise sur la structure, donc des petites molécules qui vont venir s'insérer dans ces structures et empêcher cet ARN non codant d'avoir une fonction particulière, par exemple dans une tumeur ou quelque chose comme ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que de nouveau, on va aller toucher les aspects multidisciplinaires de la biologie, et ça, je trouve que c'est super. Pour prolonger sur ces questions, sur ces applications médicales de cette recherche, Antonin Morillon, vous venez de l'évoquer, mais dans quelle mesure l'ADN non codant est un point très important en cancérologie ? Alors justement, le génome non codant, les ARN non codants ont attiré énormément l'intérêt de la communauté, justement dans tout ce qui était développement de la tumeur. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les tumeurs sont mutées, le génome est largement muté pour beaucoup d'entre elles, et que ces mutations vont entraîner effectivement tout un tas de dérèglements dans l'intégralité du génome, et donc l'émergence de nouvelles espèces d'ARN non codant en l'occurrence. Et donc, un des premiers intérêts, c'était biomarqueur. Est-ce qu'on peut utiliser cette information qui est unique à la tumeur pour aller faire du diagnostic précoce, du pronostic précoce, justement pour détecter, éventuellement dans les fluides, la présence de ces molécules qui vont nous indiquer l'existence d'une tumeur, d'un cancer. Donc là, il y a tout un pan de la recherche et des chercheurs, on en fait partie, qui s'intéresse justement à identifier ces biomarqueurs, leur unicité, leur robustesse, pour aller prédire l'apparition d'un cancer dans les années, ou en tout cas la dangerosité du cancer dans les années qui viennent. La deuxième chose, c'est que certains de ces ARN non codants vont jouer un rôle de oncogène, ou de suppresseurs de tumeurs. Et donc tout l'intérêt, et on sait aujourd'hui, des exemples ont été démontrés, que en jouant sur l'expression de certains d'entre eux, on va changer justement la capacité de la cellule à être plus ou moins agressive dans le développement d'une tumeur. Et c'est pour ça que la lecture du génome codant seul ne suffit pas. Tout à fait, oui. Stanislas Lyonnais, est-ce que, enfin, votre point de vue, vous aussi, hein, mieux comprendre cet ADN non codant, ça fournirait des pistes prometteuses pour la découverte de mécanismes clés dans les maladies? C'est exactement la phrase, je vais vous paraphraser, c'est regarder dans l'ADN non codant, ça peut expliquer des mécanismes. Beaucoup de maladies génétiques, hors oncogénèse cette fois-ci, des maladies du développement, des anomalies qu'on étudie à l'Institut chez l'enfant, ont un taux de d'élucidation diagnostique quand on regarde le gène de la maladie, parce qu'on sait que c'est le gène, mais qui plafonne 75%, 80%. Ça veut dire qu'il y a 10, 15%, 20% des dossiers, des enfants, des familles, où on ne trouve pas la mutation. En faisant quoi? En regardant le codant, en regardant les exons qui fabrique la protéine, et par conséquent avec le code qui nous aide, et qui est évidemment un alphabet absolument transparent. Où peuvent se nicher les mutations qu'on ne trouve pas? Évidemment, par cet intruisme, dans le non-codant. Donc regarder dans un gène son grand domaine, et non pas uniquement les chapitres qui fabriquent la protéine, regarder les introns, regarder les régulateurs du gène, les éléments génétiques qui, à distance, fabricants ou pas des ARN, peuvent intervenir sur l'expression du gène, est devenu une envie, une routine même. Et c'est là où, le code n'existant pas, puisqu'on est dans le non-codant, la biologie, comme le disait Antonin, est absolument essentielle pour affirmer qu'une mutation, une altération du génome non-codante est bien le responsable, la responsable du phénotype observé. Il faut partir avec un petit peu de bagage. Et le bagage, il est scientifique. Il n'est pas uniquement comparatif. Un des éléments du bagage, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la région à laquelle on s'adresse est hautement conservée, contrainte, purifiée, les mots sont multiples, entre les espèces. Et que par conséquent, la région où l'on vise la variation qui pourrait bien être la mutation de la maladie est une région qui a une importance. Laquelle, on ne sait pas très bien. Quelle est sa fonction? Là, on s'adresse aux scientifiques. Donc c'est un élément supplémentaire du plaidoyer pour dire que les techniques de génétique, de décryptage du génome, font appel à la bioinformatique, à l'intelligence artificielle, oui, mais que les médecins, les chercheurs et les biologistes qui sont en train d'essayer d'élucider la pathologie moléculaire, ce qui, dans un enfant, dans une famille, dans une maladie génétique donnée, va essayer d'être rapproché du phénotype, doivent s'adosser à de la science. L'interprétation du génome, on a dit que le génome c'était facile à séquencer, l'interprétation, c'est pas 400 euros, c'est 40 000 euros. Il y a très gros enjeux en cancérologie, mais aussi dans d'autres types de maladies, Stanislas Lyonnais. Hein. Vous avez des exemples concrets de l'implication de l'ADN non codant directement en lien avec des maladies chez vos patients? On l'a démontré à plusieurs reprises, et on n'est pas les seuls, dans des anomalies du développement, des malformations congénitales. On a observé que tout ce qu'on avait fait pour explorer les parties codantes d'un gène était revenu tout à fait normal, mais qu'en fait, c'est la dérégulation du gène qui se faisait parce que les éléments cibles des mutations étaient à des années-lumière du gène, mais perturbait son expression dans tel ou tel tissu. Ça, c'est une première façon de penser l'altération du génome dans des régions non codantes et de son impact sur l'expression d'un gène. La deuxième façon est plus complexe, c'est des modifications de l'architecture d'une région génétique. L'ADN vu non pas comme une lecture d'une feuille de papier blip de la Pléiade, mais vu comme un regroupement d'une région qui va, comment dirais-je, se dessiner comme une architecture particulière, et cette architecture peut être perturbée et mettre alors certains gènes sous la dépendance de régulateurs d'autres ou l'inverse, et ainsi aboutir à des phénotypes. Alors dans quelles maladies? On l'a vu dans des anomalies, des fentes palatines, qu'on appelle la séquence de Pierre-Robin, des maladies du squelette, des maladies du développement squelettique, singulièrement dans des malformations congénitales, des enfants qui naissent avec les séquelles de ce qui ne s'est pas bien fait pendant le développement. On arrive à la fin de cette émission. Quels sont les enjeux de la recherche actuelle? Antonin Morillon, la première chose, c'est d'avoir un catalogue précis de ces gènes non codants. Ouais, c'est, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui importantes pour avancer. Je pense que ce catalogue-là, il doit être personnalisé. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a changé de dimension. On l'a dit tout au long de cette émission, on s'intéresse plus à un génome de référence, mais on s'intéresse aux multiples génomes. Il y a le métavers, il y a le métagénome, on pourrait dire. Et effectivement, aujourd'hui, un des enjeux, c'est d'aller voir le génome de chacun d'entre nous, de chacune de nos cellules et éventuellement en cancérologie de chacune de nos tumeurs. Donc en fait, il y a un enjeu, c'est d'aller précisément répertorier ce qui fait notre carte d'identité génétique et génomique pour pouvoir avancer justement dans la compréhension de ce génome non codant. Stanislas Lyonnais. J'y vois un enjeu diagnostique si on développe ce qui a été dit tout à l'heure sur les altérations qui peuvent toucher le génome non codant et expliquer des phénotypes. Un enjeu thérapeutique qui a été évoqué par nos collègues de l'Université Paris-Cité sur des molécules qui viendraient intervenir, ou l'utilisation justement de l'ARN non codant pour intervenir lui-même, modifié ou pas dans tel ou processus biologique. Il y a un enjeu de marché, revenons à ce que disait Axel au début, parce que c'est vraiment c'est une multiplication par mille des options thérapeutiques et des options de modification de génome. Donc oui, il y a des enjeux absolument massifs. Je reviens au côté naturaliste de la génétique. On ne peut pas les appréhender solidement sans un des éléments qui est la comparaison des génomes. Et je voudrais citer cette efflorescence d'articles dans Science il y a quelques semaines à peine, Zoonomia, oui. C'est-à-dire, vous allez venir peut-être... Ah non, nous allons préparer une émission sujet, mais voilà. Allez-y, je vous en prie. Je ne veux pas déplorer l'émission à propos de naturalisme, mais enfin, c'est quand même le séquençage de plusieurs centaines d'espèces de mammifères qui nous donne une des clés de lecture, qui est justement la conservation, c'est-à-dire le maintien de séquences d'ADN telles que l'on ne l'imaginerait pas par le hasard, ni l'intelligent design non plus d'ailleurs, qui serait peut-être pas assez fort pour ça, mais le maintien par les processus évolutifs, disant si cette région est maintenue sur des centaines de millions d'années, sur une centaine de millions d'années si on parle des mammifères, alors c'est qu'elle a une importance fonctionnelle, même si on ne la connaît pas. Et ce degré de lecture-là est absolument essentiel, et ce protocole, qui à mon avis vient doubler ENCODE de manière extrêmement puissante, donne des éléments de lecture, donne beaucoup à lire. Antonin Morillon, pour conclure, par rapport au projet en cours, il me semble qu'il n'y a pas de gros projet, du moins pas à l'échelle nationale ou européenne, non ? Ouais, donc là on est sur les enjeux financiers et les stratégies qu'on doit développer dans les années qui viennent pour justement développer cette recherche. On le voit, c'est une recherche qui a besoin, qui va étendre sa base de données de manière spectaculaire, hein, 3 milliards de paires de bases par génome. Si on commence à séquencer tout le monde, ça va être compliqué. Les ARN, il y en a plusieurs centaines de milliers par cellule. Donc c'est des immenses bases de données qu'il faut pouvoir stocker, qu'il faut pouvoir accéder facilement. Donc la bioinformatique, toute la science de la gestion de la base de données est importante. L'intelligence artificielle, comment on peut, grâce à ces nouveaux outils d'apprentissage machine, pouvoir accéder à cette information rapidement et décrypter et simuler. Donc un des enjeux, c'est les grands projets, c'est de pouvoir faire justement porter cette science par des grands projets, faire rêver. Ah, voilà, sur les génomes et en particulier l'ADN non codant, hein, pas de grand programme lancé, ce n'a pas abouti par manque de financement. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Il est temps à présent de retrouver notre chronique quotidienne, c'est le pourquoi du comment, par Étienne Klein. Le néant est-il un bon à rien ? La question du néant est paradoxalement une vaste question, mais le point essentiel est qu'elle tangente la question de l'origine absolue. Je n'aime guère citer Heidegger, mais bon, il a quand même eu raison d'écrire que l'essence de l'être même comporte dès l'origine le néant. Il a aussi écrit que c'est dans l'être de l'étang que se produit le néantir du néant, mais là je suis plus tout à fait certain de bien comprendre. Retenons simplement que prendre la question de l'origine de l'univers au sérieux ne consiste pas seulement à tenter de décrire les phases les plus anciennes de notre univers, ce que les physiciens font d'ailleurs de mieux en mieux. C'est d'abord et surtout interroger la transition radicale qu'elle suppose entre l'absence de toute chose et la présence d'au moins une première chose. Autrement dit, c'est investir la zone limitrophe du non-être et de l'être, c'est-à-dire affronter le mystère du néant et de ses métamorphoses possibles. Comment le néant s'y est-il pris pour cesser d'être le néant ? Par quelle dynamique interne a-t-il pu se séparer de lui-même ? Bien sûr, si l'on croit que le néant n'existe pas, ni n'a même jamais existé, autrement dit, si l'on pense qu'il y a toujours eu de l'être, de telles questions n'ont pas le moindre sens. En résumé, penser l'origine de l'univers revient d'abord à admettre la possibilité d'une absence radicale et totale d'univers, et à imaginer ensuite comment cette absence a pu se transmuter en une première présence, celle de l'univers lui-même, ou de quelque élément constitutif de cet univers. Le paradoxe d'un tel commencement pur, d'un commencement que rien ne précède, c'est qu'il se situe avant tout événement, là où et quand il n'y avait encore rien. Mais là où et quand il n'y avait rien, comment peut-il y avoir eu quelque chose, en l'occurrence un commencement ? L'idée d'un commencement avec un grand C semble ainsi échapper à l'entendement. Bien sûr, on a le droit d'imaginer que le néant d'avant l'univers n'était pas seul, qu'il cohabitait avec autre chose que lui-même. Par exemple, avec quelques principes fondamentaux ou transcendants, ou bien avec les lois physiques supposées actives avant même le Big Bang. Grâce à une collaboration féconde, le néant ainsi aidé ou accompagné aurait acquis le pouvoir de faire apparaître l'univers. Mais par quel mystérieux mécanisme ? Les théories physiques ne le précisent guère, pas plus d'ailleurs que les récits de la création. Au demeurant, un néant accompagné par autre chose que lui-même mériterait-il encore d'être appelé le néant ? Le néant peut-il exister autrement qu'en étant seul au monde, qu'en étant le seul étant qui soit existant ? Ces drôles de questions apparaissent en filigrane dans toutes les cosmogonies. Selon certaines, l'univers n'a pas été créé comme le boulanger fait son pain. Il ne provient pas d'une réalité préalable qu'un agent créateur serait venu informer ou modifier. Il aurait été bâti tout simplement à partir de rien. Une création ex nihilo, expression d'ailleurs étrange et même paradoxale, puisqu'elle suggère que l'absence de toute chose a pu créer quelque chose. Mais comment donc ? Par quel stratagème le néant, où absolument rien n'existe, aurait-il pu créer quoi que ce soit ? À moins que le nihil désigne ici non le néant, mais une espèce de rien qui serait déjà quelque chose. En somme, un truc qui serait mieux que rien. Par exemple, la terre informe et vide de la Genèse, à laquelle Dieu mit un terme par un acte de rassemblement des eaux, qui fit apparaître le sec et ordonna le monde. L'idée d'une cause première est parfois elle aussi invoquée. Il s'agit d'une cause qui n'a pas à être fondée, qui serait cause de soi en quelque sorte, à la fois déclenchante et non déclenchée. Mais une cause qui n'a pas elle-même de cause ne subvertit-elle pas l'idée même de causalité ? Si on ne s'empresse guère de répondre à ces questions, c'est sans doute parce qu'il est difficile de concevoir que le néant puisse être le sujet du verbe « changer », autrement dit acteur d'une transformation, car cela suppose implicitement qu'il serait d'emblée mieux que rien, ce qui le mettrait en contradiction avec lui-même. Je vous laisse réfléchir là-dessus, ou bien vous reposer. Vous ferez comme bon vous semble. Merci Étienne pour votre chronique, et merci à vous d'être avec nous. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Nafi Terrasse, Natacha Demoule. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Antoine Tropé. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.